Communiqué important du commandement suprême de l'armée populaire de Corée. Provocation militaire grave des bellicistes sud-coréens qui ont tiré sans discrimination sur un ferry-boat de la marine de l'armée populaire de Corée. Le 27 mai, les bellicistes sud-coréens qui ont fait intrusion dans les eaux sud-ouest de notre côté ont tiré un autocanon de 40 mm sur un ferry-boat de la marine de l'armée populaire de Corée en service régulier. Depuis 5h53 jusqu'à 7h20, trois vedettes rapides relevant de la deuxième flotte sud-coréenne et un bateau appartenant au ministère sud-coréen de la pêche maritime ont fait intrusion à quatre reprises jusqu'à 6,4 km au-delà de la ligne de démarcation militaire maritime de notre côté, de l'ouest de l'île de Paengnyeong et du sud-ouest de l'île de Yeonpyeong, commençant ainsi la provocation militaire préméditée. Malgré nos avertissements réitérés, les bellicistes sud-coréens ont prétendu absurdement qu'ils sont en service régulier dans les eaux de leur côté et n'ont pas retiré leur bâtiment. Et ils ont visé un ferry-boat de notre marine de retour, entraînant un bateau de pêche en détresse dans les eaux de notre côté et tiré sur eux un autocanon de 40 mm. Quant au ferry-boat en question, il n'a pas d'armes et il transporte des courriers et accomplit des missions de liaison. Leur provocation militaire démesurée est un complot scélérat et méthode habituelle des fantoches sud-coréens qui poussent la situation à l'extrême, de sorte que nous sommes entraînés dans leur provocation, puis, à l'aide de la presse réactionnaire, ils cherchent à induire l'opinion publique, non satisfaite d'intrusions délibérées dans nos eaux territoriales, tout en tirant des obus sur le ferry-boat de notre armée. Immédiatement après la provocation maritime, les autorités militaires sud-coréennes ont donné l'ordre à l'aviation de combat basée à Suwon de faire les préparatifs de sortie extraordinaire dans le but d'agrandir insensément la provocation. Ainsi, la situation de la région s'avère extrêmement tendue comme au seuil d'un conflit imprévisible. Face à la situation, les troupes du front sud-ouest de l'armée populaire de Corée attendent l'ordre d'attaque impitoyable avec l'attitude de représailles. Les provocateurs se repentiront sensiblement de leur provocation militaire démesurée. Pyongyang, le 27 mai de l'an 105 du Jutsu 2016.